Ok. Une spéciale pour tous les hefrines. Tous les petits des quartiers. À ceux qui nous ont quittés. Écoute l'histoire de Mamadou. Une histoire parmi tant d'autres. Ok la famille. C'est l'histoire de Mamadou, un mec coriace et timide. Dans sa poche, pas un sou, mais dans la vie, toujours lucide. Il aime rendre service, passe son temps à étudier, apprécier du quartier, lit des livres pour se cultiver. Pour sa mère, il prend le chemin de la réussite, contrairement à son frère, complètement noyé dans l'illicite. Chaque soir, il prie pour s'en sortir, à part les doigts, il ne sait plus à quoi s'en tenir. Il quitte le collège pour enfin passer en général. Il découvre le lycée et s'oriente vers le monde médical. Il avance à grands pas, malgré la zermie. Dure d'avoir le sourire quand y'a la famine au pays. Un beau jour, il rentre chez lui, exténué. Arrivé devant son hall, il aperçoit les chemises déboulées. Son frère lui fait signe de vite monter à la baraque. Les chemises débarquent, les braques et sortent les matraques. Alors ça s'embrouille, ça part en couille pour un contrôle. Plus personne ne sort, alors le hall se transforme en tôle. Le grand frère s'énerve et insulte les inspecteurs. Il fait l'erreur de montrer à tout le monde qu'il n'a pas peur. Il fait des gestes brusques histoire de les impressionner. Le keuf prend son flingue, le braque et lui dit de se calmer. Le grand frère essaye alors de lui prendre son arme. Et ça devient c'est le drame. C'est pour les anges du quartier, envolé dans l'au-delà. Gravé dans nos cœurs, chaque soir je fais une dora. Enfermés au placard, font leur bise sur trottoir. Les paumes vers le ciel, pour eux c'est une dora. Blanc, peur dans nos cœurs, trop douleur. Mettre en avant nos valeurs et sacrifier ce malheur. Anges du quartier sur l'autoroute du paradis. Les paumes vers le ciel, pour eux c'est une dora. 4 ans plus tard, le petit Mamadou a bien changé. Il a lâché la school, histoire de galérer à la cité. Depuis la mort de son frère, il parle très rarement. Devenu délinquant et vend de la drogue pour passer le temps. Sa mère ne sait plus quoi faire, chaque soir c'est un enfer. Fatigué d'avoir les nerfs, même envers elle il est vulgaire. À peine 19 ans, on le considère comme un ancien. Chaque jour il pense à son frère et à son assassin. Brolique dans sa poche, se fâche même auprès de ses proches. Dans la solitude il se forge et ça le renforce. L'envie de se venger le démange à chaque instant. Il regrette ce jour, s'il pouvait seulement remonter le temps. Emporté par la haine, il roule sans permis. Il passe son temps à fuir à la justice et aux ennuis. Perturbé psychologiquement par sa fougue, il décide la plaquer pour se consacrer à la genou. C'est pour les anges du quartier, envolés dans l'au-delà. Gravé dans nos cœurs, chaque soir je fais une dora. Enfermés au placard, font leur bise sur trottoir. Les paumes vers le ciel, pour eux c'est une dora. Blanc, peur dans nos cœurs, trop douleur. Mettre en avant nos valeurs et sacrifier ce malheur. Anges du quartier sur l'autoroute du paradis. Les paumes vers le ciel, pour eux c'est une dora. Oh maman. Wesh braco. Wesh, ça va ou quoi? Ouais bien et toi? Bien. Tranquille ou quoi? Ouais ton ouais, père et toi? Oh on est là. Wesh, tu deviens quoi là? Oh rien, toujours à la cité t'as vu. Mais non. Bah ouais mais qu'est-ce que tu veux, ça te fait du buzz hein. Mais normal. Vas-y, attends, tu sais quoi? Vas-y ouais. Viens on va faire un tour. Vas-y viens, on va faire un vas-y, tour. Vas-y viens, j'y vais. Eh ouais mon frère, c'est la merde et ça depuis petit peu. Regarde mon frelon à l'aïe l'armou, il s'en est pris de. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'étais un mec bien y'a quelques temps et depuis peu j'ai l'impression que t'es devenu un délinquant. Eh ouais c'est ça la vie, dans ma poche j'ai toujours mon brolic. Je l'utiliserai quand je croiserai ce fils de pute. Dis pas des choses comme ça, fous pas ta vie en l'air pour un bâtard. Avec la grâce de Dieu un jour il le payera tôt ou tard. Quête, bonjour, mettez-vous sur le côté s'il vous plaît, contre le putain. Eh braco, c'est lui. Mais c'est non, lui, c'est pas lui. Enculé, fais pas ça. C'est toi, fais pas ça. C'est pour les anges du quartier, envolés dans l'au-delà. Gravé dans nos cœurs, chaque soir je fais une dora. Enfermés au placard, font leur bise sur trottoir. Les paumes vers le ciel, pour eux c'est une dora. Blanc, peur dans nos cœurs, trop douleur. Mettre en avant nos valeurs et sacrifier ce malheur. Anges du quartier sur l'autoroute du paradis. Les paumes vers le ciel, pour eux fait une dora. C'est pour les anges du quartier, envolés dans l'au-delà. Gravé dans nos cœurs, chaque soir je fais une dora. Enfermés au placard, font leur bise sur trottoir. Les paumes vers le ciel, pour eux fait une dora. Blanc, peur dans nos cœurs, trop douleur. Mettre en avant nos valeurs et sacrifier ce malheur. Anges du quartier sur l'autoroute du paradis. Les paumes vers le ciel, pour eux fait une dora. C'est pour les anges du quartier, envolé dans l'au-delà, gravé dans nos cœurs chaque soir. Je fais une doha enfermée au placard, font leur bise sur le trottoir, les paumes vers le ciel pour eux, faites une doha. Black, blanc, beurre dans nos cœurs, trop de douleur, mettre en avant nos valeurs et sacrifier ce malheur. Ange du quartier sur l'autoroute du paradis, les paumes vers le ciel pour eux, faites une doha.